Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Difficile de l'imaginer sans le rouge. Rouge de... Oui, rouge de... Du coup, c'est un peu flou, mais... Le rouge. Je sais pas. La couleur préférée. Je dirais rouge, je ne sais pas. Rouge... C'est la couleur de l'espoir, du combat. Le drapeau rouge. Spontanément, je l'associe aussi au rouge parce que j'ai les images de lui aux différents congrès de l'international bardés de drapeaux rouges tels qu'ils sont représentés par les peintres soviétiques, du réalisme soviétique, qui présentent toujours Marx, entouré, écouté de toutes et de tous à la tribune, alors qu'en réalité c'était un très mauvais orateur et qu'il laissait plutôt parler Engels. Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Marx Lieblingsfarbe. La couleur préférée de Marx. Vielleicht doch das Rot, weil er die Verhältnisse zum Tanzen bringen wollte. Peut-être le rouge, parce qu'il voulait faire danser les conditions sociales. Als Figur sehe ich ihn eher alt vor mir. Et je le vois plutôt vieux. Die Ikone Marx mit dem Bart. Parce que l'icône Marx a une grande barbe. So stark sich doch verinnerlicht, dass man ihn. Et j'ai tellement intériorisé cette figure iconique. Eigentlich irgendwie alt vorstellt, ich ihn mir zumindest. Que je ne peux me l'imaginer que vieux. La couleur préférée de Marx, quand même le rouge. Das Rot, doch trotz allem. Wegen der Kirschen, wegen des Frühlings, aber leider auch wegen des Blutes, ja. À cause du sang, à cause des cerises et à cause des drapeaux quand même, oui. Première partie, sous les drapeaux rouges. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Sans le souffre. On voit claquer des drapeaux rouges dans l'air, des fumées, des proclamations. La rue, c'est bolchévique. C'est partir sous la nuit armé de flambeaux pour prendre d'assaut le palais d'hiver, faire sauter les portes avec des moulures dorées et faire tomber la garde noire qui tenait la place. Rolf Hecker. Aber wenn man gleichzeitig die alte bolschewistische Garde auch vernichtet, quand on réduit à néant la vieille garde bolchevique, quand on l'enferme, qu'on l'exécute, dann, il ne faut pas s'étonner qu'un nouvel ordre social se mette en place. Gesellschaftsgefüge auch. ja, dass es keinen Trotzki mehr gibt. Trotzki n'est plus là. Und dass der Trotzki dann ermordet wird. Und, il va finir assassiné. Ja, also so dieser Bukharin, der junge Held der kommunistischen Partei. Bukharin, le jeune héros du Parti communiste, est emprisonné en 1936 et réduit au silence. Das ist so, da entwickelt sich eine ganz andere Gesellschaft, ja. C'est une société très différente qu'on instaure. Das ist dann echte, ja, wie soll man sagen, Diktatur im wahrsten Sinne des Wortes. C'est littéralement une dictature. Seine eigenen Leute umbringt. Un régime qui assassine son propre peuple. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры бондработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры тыла наших врагов. Qui a exterminé le plus de communistes se réclamant de l'héritage de Marx dans les années 20-30, c'est Staline. La quasi-totalité de ceux qui avaient participé à la direction de la révolution d'octobre ont été exterminés par Staline, torturés, à extorsion d'aveux. Jean Numa Ducange. Le stalinisme a été un des processus d'ailleurs les plus effroyables au niveau politique du XXe siècle, et que cela s'est fait au nom de Marx, c'est un fait. Donc ça, c'est un grand saccage, évidemment. «1952, Joseph Staline, 19e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. «Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации». Mit der Revolution, mit der russischen Revolution. Avec les révolutions russes, on entre dans une phase de construction du marxisme. Béatrix Bouvier. Eine Formationsphase entsteht, wo es Kommunismus an der Macht où le communisme est au pouvoir. Wo es neue Visionen gibt, die c'est une nouvelle approche de l'exercice du pouvoir liée à la violence et à l'usage de la violence. Der Kommunismus an der Macht, das sind die Wendepunkte, die l'arrivée au pouvoir des communistes a été un tournant décisif pour la suite. Mit Mao für China etwas Neues. Comme par exemple dans la Chine de Mao. Neue Formen der Interpretation, die aber wenig zu tun haben mit Marx. De nouvelles interprétations s'imposent qui n'ont plus grand-chose à voir avec Marx. Marx ist dann nur noch eine Säule. Marx n'est plus qu'un support. Eine theoretische oder philosophische Legitimation, aber nicht mehr sehr viel mehr. Une sorte de légitimation théorique ou philosophique, mais guère plus. Il existe depuis 1917 sur la Terre quelque chose qui s'appelle le socialisme réel. Pierre Bergugno. L'URSS, puis les pays du bloc soviétique, puis en 1949 la République populaire de Chine. Et à côté des publications russes, moscovites, commencent de figurer, la révolution culturelle en Chine, de jolies éditions sur papier de riz, lequel, c'est la première fois que pareille chose m'arrivait, je n'avais rien vu, exhalait lorsqu'on les ouvrait, un parfum délicat, raffiné, presque décadent de papier de riz. «1949, Mao Tse-tung, président du Parti communiste chinois. En Chine, à sa façon, ça continue toujours. Mais où ils l'ont très mal compris, Marx, où ils l'ont trop bien compris, on ne sait, il faut attendre les prochains massacres. Avril 1989, place Tiananmen. Excusez mon cynisme. Je pense que le marxisme, en particulier pendant la période soviétique, et plus tard en Europe de l'Est, puis en Chine, Gareth Steadman-Jones a été responsable de bien des déformations. Il a aussi été responsable de régimes autoritaires et de répression, parfois même de massacres. Oui, je pense que le marxisme a eu un impact désastreux sur le XXe siècle. Alors cette histoire du XXe siècle, elle est complexe. Isabelle Garraud. Parce que la réception de Marx n'est pas la réception de n'importe quel autre auteur. Sa pensée, justement, en présentant cette dimension politique, prête le flanc aussi, éventuellement, à toutes les déformations, à toutes les façons de s'en saisir, y compris en détournant complètement ce qui était son sens. Donc je crois qu'on peut pas détacher Marx de ces diverses réceptions. Et cette histoire-là pèse lourdement, elle a pesé sur le XXe siècle, et je crois qu'en un sens, on n'en est pas sorti. On n'est pas sorti au sens où cette figure de Marx reste associée pour beaucoup de gens à cette histoire du stalinisme, et l'idée de communisme en particulier reste profondément marquée par l'idée que le communisme, c'est ce que Staline en a fait. Bon, le siècle, c'est fini, hein. Le XXe siècle, court ou long, et derrière nous, il a eu lieu avec ces faces d'ombre qui sont plus que des faces d'ombre, qui sont des trous obscurs. Daniel Ben Saïd, 2009. Donc, les mots sont sortis blessés, il n'y en a pas d'innocents, aucun. Communisme, bon, ça serait finalement là... ajouter la défaite à la défaite que d'abandonner le mot et l'idée à ce qu'a été son avatar stalinien ou autre. Mais le mot socialisme se porte pas mieux, hein. Il a servi à tout et au contraire. Le mot révolution en France encore garde une charge symbolique parce que la révolution française garde une légitimité, mais on ne peut pas l'aborder avec la même innocence que l'idée que c'est une violence libératrice. Les mots sont tous sortis blessés du XXe siècle. Pour le dire autrement, moi je considère le XXe siècle a été une grande défaite, est une grande défaite des politiques d'émancipation, des espoirs d'émancipation. En théorie comme en pratique, le marxisme au XXe siècle a rimé avec catéchisme. Ça a été un catéchisme dogmatique. Johann Chapoutou. Qu'on a fossilisé, complètement calcifié du point de vue de la réflexion théorique, puisque cette réflexion est devenue une dogmatique, hein, dans les pays qui avaient été gagnés par des pouvoirs se réclamant de Karl Marx. Et au niveau de la pratique, le projet d'émancipation promu par Karl Marx s'est en fait mué dans les pays dits communistes en pratique d'asservissement, d'oppression généralisée. Donc, de fait, le XXe siècle politique qui se réclamait de Marx a été très largement une négation du marxisme. On peut dire que le XXe siècle a été un siècle de marxisme sans Marx. Avec le recul, pour moi, ce qui domine, c'est tout ce qui a été manqué, tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été gâché. Lucien Sèvres. Dans cette mise en doctrine d'une pensée qui est le contraire même. Enfin, celui qui travaille avec Marx, hein, voilà, ne peut pas ne pas voir que c'est une pensée qui est complètement rebelle à la mise en doctrine, complètement rebelle. Je peux revenir sur la couleur de Marx ? Alix Bouffard. La couleur de Marx, je dirais un peu toutes les couleurs, parce que on a pu faire jouer à Marx des rôles politiques très différents. C'est justement parce que c'est une pensée qui est en transformation, en mouvement, qui est en construction, que on peut dire des choses parfois aussi différentes à partir des textes de Marx. Pour moi, tout a commencé avec Staline. En avoir fait une doctrine, c'est inimaginable, on ne peut pas imaginer pire. Ce que Staline a fait subir à Marx en le mettant en formulaire, en catéchisme, c'est abominable, quoi. Also, ich habe lange danach gesucht. J'ai longtemps cherché un arrêté. Ob es einen Beschluss gibt, der qui aurait interdit la première édition des œuvres complètes de Marx et Engels. Mehr ediert werden sollte. Es gibt keinen solchen Beschluss. Mais je n'ai jamais rien trouvé. Il n'y a pas eu d'interdiction à proprement parler. Sondern das war ein langsamer Tod. En fait, ça a été une mort lente. Wurde nach 1931 dann durchgesetzt. À partir de 1931, dass zunehmend die Werke von Stalin, les textes de Staline et du parti, und die Parteidokumente als deviennent la base de toute étude politique. Der politischen Arbeit. Also sozusagen Marx und Engels wurden aus progressivement, Marx et Engels sont effacés des consciences. Also Marx und Engels beiseite geschoben wurden. Et finissent par être totalement mis à l'écart. Un des textes entre guillemets marxistes les plus lus dans l'histoire de l'humanité, c'est les chapitres de Staline de l'histoire du PCUS de l'Union soviétique, matérialisme historique et matérialisme dialectique. Ça ne fait pas plaisir forcément d'entendre cela, mais c'est un fait. Donc le matérialisme historique qui sera particulièrement systématisé plutôt après la mort de Marx, à commencer par Engels, donc, a été dogmatisé à outrance au XXe siècle. Eh ben, le massacre fondamental que Staline fait de Marx, ça s'appelle matérialisme dialectique et matérialisme historique. C'est le fameux texte d'une cinquantaine de feuillets, qui en réalité est un chapitre de l'histoire du Parti communiste bolchevique, hein, mais qui est un exposé doctrinaire de ce que c'est, selon Staline, ce que c'est que le marxisme, ce que c'est que Marx et le marxisme. J'ai beaucoup écrit sur ce texte, mais dans mon dernier gros bouquin sur le communisme, je suis revenu avec soin sur le tripatouillage insensé que ce texte fait subir à la pensée de Marx. Ben évidemment, la pensée de Marx au XXe siècle, elle a été captée par ce qu'on a appelé le marxisme-léninisme. C'est une expression qu'il aurait totalement récusée, Lénine aussi probablement. La question, c'est stalinisme et l'ossification de la pensée marxiste et de sa transformation en dogme. Et l'ossification aussi de sa perception d'histoire avec cette théorisation du matérialisme historique, comme disons, où l'humanité suivrait un cours inéluctable. Michel Husson. Le grand tort, finalement, du stalinisme, pour aller vite, ça a été de faire passer l'idée que le marxisme, c'était ça. À la fois dans la théorie, dans une espèce de dogmatisation de la théorie, et à la fois dans sa mise en œuvre. Et là, le canon qui est fixé marxiste-léniniste va correspondre de plus en plus à un canon ultra-simplificateur stalinien, et qui va générer des crimes de masse à une échelle inconnue jusqu'alors. Là, je pense qu'il y a une rupture historique qui porte un nom, qui est le stalinisme, qui marque quand même une inflexion majeure. Staline, c'est ça. Mais c'est ça à un point qu'on n'imagine pas, avec une malhonnêteté intellectuelle inimaginable. Moi, je dirais pas saccage, je dirais hold-up. Jacques Attali. On peut se demander si pour un intellectuel, il vaut mieux avoir des disciples pour survivre ou ne pas en avoir pour ne pas risquer d'être caricaturé. Parce que ça commence avant sa mort, d'ailleurs. Hold-up par Engels, qui dénature la pensée de Marx dès l'anti-During. Ensuite, évidemment, hold-up par Riazanov et les Russes. Et ensuite, Lénine. Donc, c'est ce hold-up qui a fait de Marx un partisan de l'État autoritaire, donnant une fausse conception de la dictature du prolétariat, un partisan du socialisme dans un seul pays, ce qu'il n'était pas. Il a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je ne suis pas marxiste. When we talk about what most people regard as Marxism. Le marxisme, ou ce que la plupart des gens entendent par ce mot. Really, this was a creation not of Marx, but of Engels in his later years. N'est pas une création de Marx, mais de Engels. And then Engels. C'est lui qui l'a créé à la fin de sa vie. And Kautsky and then the Russians and so on. Ensuite, cela a été repris par Bebel, Kautsky, puis par les Russes, etc. Marxism has the idea that, as I say, the materialist conception of history. Le marxisme, c'est une conception matérialiste de l'histoire, une approche scientifique du capitalisme. Tout cela vient bien plus d'Engels que de Marx. Marx lui-même n'a jamais parlé de marxisme, et encore moins de matérialisme. Weil die sowjetische Orthodoxie, der Marxismus-Leninismus behauptete immer, da passt kein Blatt. Pour l'orthodoxie soviétique, le marxisme-léninisme, Marx et Engels étaient des frères siamois, deux figures absolument inséparables. Aber ce qui est bien sûr totalement absurde. Also jeder, fast alle, die die sowjetische Orthodoxie kritisierten, et ceux qui voulaient critiquer cette orthodoxie soviétique ont essayé de les séparer. Dass der Marxismus-Leninismus eher ein Engelsisme de faire du marxisme-léninisme un engelsisme, une création d'Engels, während eben der Marx und vor allem die Frühschriften quelqu'un von qui, en particulier dans ses textes de jeunesse, aurait pris une direction tout à fait différente. Und die Diskussion über Marx und Engels und welche Rolle sie spielen. La question de Marx et Engels et de leur rôle respectif a donc été centrale dans les débats du XXe siècle. Wenn wir uns mit Marx beschäftigen, et celui qui travaille sur Marx reste encore aujourd'hui pris dans les ombres de ces débats idéologiques. Die Schatten der ideologischen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts sind sehr lang. Denn auch viele bon nombre de Begriffe, concepts, Diskussionen, Vorstellungen, d'interrogations, wo wir heute gar nicht mehr wissen, wo sie d'idées qui tournent autour de Marx et dont on ne connaît même plus l'origine, eher, sont en réalité le fruit du XXe siècle et ne proviennent pas du Marx historique, celui du XIXe. Ob wir uns aus diesen Schatten befreien können, va-t-on pouvoir se libérer de ces ombres? La question reste ouverte. Marx, sans barbe ou avec barbe. Marx sans ou avec barbe, imaginez-vous, Marx ou le peintre. Niemand weiß, aber wie sieht aus? Marx sans barbe, je peux pas m'imaginer. Difficile d'imaginer Marx sans barbe. Marx, évidemment, dans l'iconographie traditionnelle, c'est un Marx barbu, avec une petite barbe quand il est jeune, et puis une barbe imposante par la suite, qui fera de lui un peu un prophète. On va l'affubler un peu de ce terme-là. L'image de Marx est indissociable de sa vie, de son œuvre, celle d'Engels aussi. Donc là, Marx avec une barbe, pas faire sans. Do I think Marx ought to be seen with a beard or without a beard? Marx avec ou sans barbe? I definitely think I prefer him without a beard. Je crois que je le préfère sans barbe. But also, I think it does create. Parce que la barbe lui donne un côté patriarcal et autoritaire. Authoritarian picture of Moses or an Old Testament prophet. Il ressemble à un Moïse ou à un prophète de l'Ancien Testament. Which I find quite distasteful. Et je trouve ça déplaisant. Marx avec ou sans barbe, mais enfin, la question est criminelle. Tout intellectuel digne de ce nom au XIXe siècle se doit d'arborer une barbe, comment dirais-je, fluviatile. Marx ne peut être que la barbe des prophètes, la barbe du Moïse décrit par Sigmund Freud. Quelqu'un qui est comme d'ores et une sorte de visitation. C'est sur lui que la langue de feu ou la colombe sont descendus. Was Marx a visionary? Marx était-il un visionnaire? I don't like that because je n'aime pas trop ce terme. Marx to Parce qu'il a tendance à faire de Marx une sorte d'astrologue qui prédirait le futur, une sorte de Nostradamus des temps modernes. Michael Sanders. Pour moi, ce n'est pas du tout le bon angle. William Blake, un autre grand esprit radical, disait un prophète, c'est quelqu'un qui dit si vous persistez dans cette voie, il y aura des conséquences. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça va se passer comme ça, quoi que vous fassiez. Si Marx est un prophète, un visionnaire, alors c'est dans ce sens-là. Et puis c'est Lénine qui en a fait le personnage idéalisé, et c'est dans la Révolution russe qu'il s'est trouvé totalement idéalisé, d'ailleurs naturellement en niant une grande partie de sa vie, de ses origines, de son histoire. Et il fallait à ce moment-là qu'un homme incarne une nouvelle forme d'espérance. De ce point de vue, il était le double de Jésus, puisque dans une société qui devenait matérialiste, il fallait un prophète matérialiste. Oui, je pense que beaucoup d'exégètes essayent de faire de Marx le prophète de quelque chose. As the prophet of something, and to give him, impart to him, much more wisdom than any reasonable human being would expect. Il lui confère une sagesse presque surhumaine. I mean, he was a bright guy, but I mean, I don't think. Certes, le type était intelligent. Mais ses idées n'étaient pas toutes exceptionnelles. Et dans la traduction simplette ou simpliste de la pensée de Marx, qui en faisait le porte-parole d'une espérance d'un socialisme et d'un communisme, on retrouve d'ailleurs tous les principes, les archétypes du messianisme. Ces livres sont les plus distribués dans le monde, mais les moins lus. C'est un petit peu comme la Bible. C'est le nouvel évangile, c'est la bonne parole, oui, oui, oui. Étymologiquement, l'évangile, c'est la bonne parole. La bonne nouvelle, Evangelos, oui, oui. Sauf que j'avais trouvé significatif le fait que, par exemple, les bolcheviques aient cru devoir ajouter à la faucille proverbiale et au marteau légendaire, l'étoile en haut à gauche. Nous montons à l'assaut du ciel. Sauf que, au lieu d'attendre d'avoir rendu le dernier soupir pour accéder au paradis, c'est nous qui faisons descendre ici-bas des étoiles. Ich bin Historikerin. Je suis historienne. Nicht mehr und nicht weniger. Ni plus ni moins. Und habe mich intensiv mit Karl Marx beschäftigt. Et j'ai beaucoup travaillé sur Karl Marx. Ohne je Marxistin zu sein. Sans être pour autant marxiste. Man muss nicht sozusagen. On n'a pas besoin de partager une croyance ou une idéologie pour s'intéresser à quelque chose. Man muss neugierig sein. Il suffit d'être curieux, de chercher à comprendre. Und das kann man auch mit Marx machen. Et c'est valable aussi pour Marx, même si c'est bien sûr une entreprise difficile. La parole est à Maurice Borès, secrétaire du Parti communiste. Nous, communistes, qui aimons notre pays, nous voulons le débarrasser des profiteurs et des voleurs du capital qui le conduisent à la catastrophe. Nous avons la conviction qu'il n'est pas en définitive d'autre voie de salut que celle où nous ont précédé nos frères de l'Union soviétique. Sous la conduite de Lénine, de Staline et de leur parti bolchevique, les ouvriers et les paysans ont fait de l'ancien empire des tsars le seul pays sans crise, sans misère et sans chômage, le seul pays de la liberté et de la paix. Vive le Parti communiste! Alors, je m'appelle Lucien Sève. Je suis né en décembre 1926. Mes parents tenaient une petite, toute petite maison d'édition de livres pour l'enseignement primaire. Donc je suis d'un milieu de petite bourgeoisie intellectuelle, si vous voulez, disons, très laïque, nettement à gauche, mais pas du tout communiste. Hein. Mes parents n'étaient pas engagés politiquement. Ils étaient surtout fermement laïcs. Voilà. J'ai été agrégé de philosophie en 1949 et je suis devenu professeur de philosophie. J'ai été 20 ans professeur de philosophie en lycée pour la raison que, étant devenu communiste dès 1950, à un moment qui est le pire de la guerre froide, j'ai été victime d'une discrimination qui m'a constamment suivi de manière acharnée. J'ai été d'abord révoqué de mon premier poste, puis après j'ai frôlé la radiation de l'éducation nationale. Ça, c'est gravissime. Vous perdez tout. Hein. J'ai frôlé ça. Je n'y ai échappé qu'en partant au service militaire, on m'a envoyé dans un bataillon disciplinaire d'Afrique. Enfin, bon, je ne vais pas raconter ça en détail, mais je sais ce que c'est que la discrimination anti-marxiste, vous voyez. Je l'ai richement vécu. Alors, il faut s'expliquer sur le mot marxisme. C'est un mot qui a un lourd casier judiciaire. On peut dire qu'au fond, Marx a été perdu de vue, a été escamoté derrière le marxisme. Marxisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mise en doctrine d'un ensemble d'idées qu'on va puiser chez Marx et Engels notamment, mise en doctrine qui a une fonction, c'est-à-dire une fonction pédagogique dans des organisations qui sont en général des partis, voilà, des partis politiques communistes qui se réclament du marxisme, qui forment des cadres, qui ont des écoles de cadres, j'y ai enseigné longtemps, souvent, voilà, et qui ont besoin donc d'une mise en doctrine de quelque chose dans quoi on va former les cadres en question. Toute une mise en bibliothèque d'une pensée qui perd progressivement sa vie, son authenticité, sa capacité critique. Je m'appelle Michel Perrault. Je souscrirais volontiers à cette analyse de Lucien Sève qui dit que le XXe siècle a saccagé la pensée de Marx. Oui, absolument. Je suis né en 1928, c'est donc pas hier, à Paris, et mon milieu est un milieu de moyenne bourgeoisie. Alors, Marx, je l'ai rencontré quand je suis arrivée comme étudiante à la Sorbonne dans les années 48. J'ai fait mes études entre 48 et 51, j'ai passé l'agrégation en 51. Il faut bien voir cette génération d'après-guerre qui vit dans l'idée de l'injustice de la société. Et il y avait donc deux courants, il y avait les étudiants catholiques, moi j'étais catholique, j'ai d'abord été chez les catholiques, et les étudiants marxistes, il y avait un groupe des étudiants communistes. J'ai été un petit peu du christianisme social vers le communisme. Mais ce qui m'a décidé à adhérer au Parti communiste, que j'ai fait en 54, c'est la guerre d'Algérie. Nous étions des communistes militants, et en même temps, on trouvait le Parti communiste français encrouté. Il y avait Maurice Thorez, il y avait Jeannette Vermeersch. Donc, on avait un regard critique sur les dirigeants du Parti communiste français. J'ai quitté le Parti communiste, comme beaucoup d'autres, en 56, hein, après le rapport Khrouchtchev. Rapport Khrouchtchev attribué aux camarades Khrouchtchev, comme disaient les camarades de la cellule, qui ne voulaient pas admettre les crimes de Staline, naturellement. Et on n'a pas repris notre carte, tout simplement. Voilà, on n'a pas fait une rupture éclatante, on n'a pas repris notre carte. En 1959, Walter Ulbricht fête les 10 ans de la RDA. Weil unser großes Aufbauwerk in der Deutschen Demokratischen Republik Mut und Kraft gibt. Masse gibt uns Kraft und Mut von die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei. Mein Name ist Rolf Hecker. Je m'appelle Rolf Hecker. Ich wurde 1953 in Leipzig geboren. Je suis né en 1953 à Leipzig, en Allemagne de l'Est. Und dabei kam man natürlich auch mit Marx in Quand Verbindung. On grandit dans un tel contexte, on est forcément confronté à Marx. Einmal durch die Pionierorganisation. À commencer par le mouvement des pionniers. Und dann durch die et puis l'organisation de la jeunesse libre allemande. Die Deutsche Jugend. Und in der Zeit dann, als wenn man also Mitglied der Freien Deutschen Jugend geworden ist, quand on y entrait, gab es also auch on suivait une première année de formation. FDJ-Studienjahr. Das heißt eine politische Bildung. C'est-à-dire qu'on recevait une éducation politique en plus de l'école. Und man hat also Seminare durchgeführt. Le tout premier séminaire portait sur Marx et Engels. Engels. Zu deren Biografie und leur vie, den leur œuvre, Werken, die sie verfasst haben. Et ce qu'on devait en penser. Wie man das denken soll. Natürlich war die Partei daran interessiert, dass le parti cherchait bien sûr à diffuser son interprétation du marxisme-léninisme le plus largement possible. Aber auch in einer Interpretation, die häufig genug von den eigenen Gedanken von Marx und Engels. Cette interprétation n'avait généralement plus grand-chose à voir avec la pensée originelle de Marx et Engels. Und nichts mehr mit den historischen Gegebenheiten ihrer Entstehung. Ni avec les conditions socio-économiques de leur époque. Es ist schwer, da kommen wir wieder sozusagen, wie der Marxismus-Leninismus. Il n'est pas facile de mesurer jusqu'où le marxisme-léninisme a pu s'infiltrer et pénétrer les moindres recoins de la vie. Wie sozusagen der dans un état qui se revendiquait du socialisme eingedrungen ist und jeder damit erfasst worden ist, ja. Das ist ein weites Feld, über das man sehr lange diskutieren kann. Mais c'est une question sans fin, dont on pourrait discuter pendant des heures. In der DDR, die Werke von en RDA, elles étaient partout, les œuvres de Marx et Engels. Aber überall diese blauen, hellblauen des livres bleu clair qu'on trouvait dans toutes les librairies. Mais c'était plus que des livres, c'était tout un symbole. Des offiziellen, des Staates, le symbole de quelque chose d'officiel, de l'État, du parti. Ich heiße Ingo Schulze, ich wurde 1962 in Dresden. Je m'appelle Ingo Schulze, je suis né à Dresde en 1962 et j'y ai grandi. Von Karl Marx habe ich sehr j'ai très tôt entendu parler de Karl Marx. Ich glaube, dass ich habe ihn eher au début, c'était plutôt une image, celle d'une tête barbue. Als einen bärtigen, Kopf. Vielleicht habe ich ihn auch je l'assimilais peut-être aussi à Karl-Marx-Stadt, la ville qui porte son nom. On l'a traversé pour aller à la montagne en hiver. Weil wir sind viel in den Winterurlaub gefahren und da fuhr man immer über Karl-Marx-Stadt. On passait toujours par Karl-Marx-Stadt. 1971, Karl Marx Stadt, RDA. Ich bitte nunmehr unseren ersten Sekretär des Zentralkomitees, Genossen Erich Honecker, Inauguration d'un Monument Karl Marx. Die Enthüllung des Karl Marx Monuments zu ergreifen. Die Losung Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Proletarier des Landes, seid die Leute! Es war der Heilige des Ostens. Marx était la grande figure sainte de l'Est. Damit ist das lange Zeit haben wir natürlich mais on ne lisait pas grand chose de lui. Gelesen, immer nur über ihn gehört und es begann dann, glaube ich, so langsam in der on en entendait seulement parler. Ça commençait dès la sixième ou la cinquième. Ja, das war schon sehr, sehr allgemein, dass er die, même si c'était très schématique, die Höherentwicklung der Gesellschaft entdeckt hat. On nous disait que Marx avait découvert que la phase supérieure de la société communiste devait résulter du développement des forces productives. C'était tout. En troisième ou en seconde, on devait lire le manifeste du Parti communiste. Durant les premières années de lycée, on avait des cours de marxisme-léninisme. Und da hatten wir auch Marxismus-Leninismus. Das hieß aber nicht, dass wir die Bücher gelesen haben. Mais cela ne voulait pas dire qu'on lisait tous les livres de Marx. Ich meine, das war auch die, was ja auch im Manifest steht, dass on avait seulement des manuels. Entwicklung des Einzelnen die Voraussetzung ist für die. Le plus terrible, c'était de lire dans le manifeste que le libre développement de chacun était la condition du libre développement de tous. Eigentlich in der Praxis immer umgekehrt wurde. Alors qu'en pratique, c'était totalement l'inverse. Eigentlich DDR-Ideologie. C'était ça l'idéologie de l'RDA. Ah. Je m'appelle Jacques Paparo. Je suis né en Bulgarie. Il y a plus de 50 ans. Et je crois bien que Marx a été présent dans mon berceau parce qu'il était omniprésent. Malheureusement, pas omnipotent. L'omnipotent, c'était plutôt léniniste. Pour moi, Marx, c'était quelqu'un d'une lignée de personnes qui portaient toujours une barbe, que ce soit Engels, Marx, les ancêtres des communistes bulgares, ou bien russes, aussi Lénine, il y avait aussi une sorte de barbe. La société du socialisme réel, réellement existant, qu'on l'appelait, était assez triste, et en pleine pénurie de livres, donc les gens lisaient tout ce qu'ils pouvaient avoir. À l'université, on devait lire au moins Le Capital, et bien sûr, Manifeste communiste, c'était obligatoire. Mais disons que la manière de lire, de raisonner sur ces choses-là, sous contrainte, c'est une manière complètement différente que quand on est libre. Comment décrire ça ? C'était le communisme scientifique, c'est toute une partie de l'éducation. Donc, quoi que vous écriviez, il aurait fallu mettre tout sur un point de vue marxiste-léniniste, même s'il n'y avait aucun rapport. Même si vous écrivez un traité de mathématiques, il fallait commencer avec voilà, ces idées-là. Les idées perverties par les régimes communistes, maintenant avec la distance du temps, ce que le bolchevisme russe, avec ces scènes de la violence, donc, a fait de ces idées, je ne crois pas qu'il en est responsable. Voilà. Ah ben, les communistes en général du XXe siècle ont fait beaucoup de mal à Marx. Hein, c'est un dévoiement de la pensée de Marx. À la vérité, il ne garde du marxisme que quelques idées simples. L'importance de l'économie, des classes sociales, des luttes de classe. Bon, mais transformé en slogan et pas en instrument d'analyse. Et notamment, la grande idée marxiste qui est quand même la dialectique, hein, c'est quelque chose qui leur est complètement étranger. Donc il y a une extraordinaire simplification du marxisme par le marxisme des partis. Hein. Et oui, Marx devient un inconnu. Je vais vous montrer nos collections du troisième étage. C'est là que nous conservons toutes nos archives. Nous possédons en tout 5000 collections de fonds différents. Par ici à droite, on va prendre l'ascenseur pour monter au troisième étage. Monique van der Pal. Voilà. Tous les rayons où sont entreposées nos archives. Which I want to show you. On a aussi une petite exposition que je voudrais vous montrer. Ce petit bout de papier que vous voyez là dans le coin, c'est le seul manuscrit du manifeste du Parti communiste qui a été conservé. Une seule et unique page. Comme vous le voyez, l'écriture est très difficile à déchiffrer. Sur la même étagère, nous avons aussi la première édition du Capital. Là, il y a un autre manuscrit à noter. Vous voyez comme les notes deviennent de plus en plus petites au fil de l'écriture. Ce que vous apercevez ici, ce sont des textes qui ont été saisis par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Soviet Union, taken to the Soviet Union. Ils ont ensuite été repris par les Russes pour être emportés en Union soviétique. But most of the materials were returned to the institute in the late 40s and some of them in the 80s. La plupart de ces textes ont été restitués à la fin des années 40, d'autres dans les années 80. So I'll close the curtains. Bon, je vais refermer le rideau. And I will switch off the lights because that's better for the documentation. Et éteindre la lumière, c'est indispensable pour leur bonne conservation. On peut dire que les trajectoires, l'histoire de ces papiers fait partie des tragédies, des conflits, des grands conflits du XXe siècle. Nach der russischen Revolution 1917, après la révolution russe de 1917, hat Lenin, also der Parteiführer und Staatslenker, Lenin, devenu chef du parti et chef de l'État, confie à David Borisovitch Riazanov la mission de rassembler tous les documents concernant la vie et l'œuvre de Marx et Engels. Lenin selbst kannte den Riazanov aus der Zeit der Emigration. Lenin avait rencontré Riazanov en exil. Riazanov war in né Odessa à Odessa, geboren worden und, Riazanov avait participé au mouvement révolutionnaire russe. Bewegung in Russland und wurde dann von der zaristischen Polizei verhaftet und emigrierte après dann après avoir été arrêté et emprisonné par la police du Tsar, il avait émigré à l'étranger. Kannten sich also Riazanov und Lenin. C'est là qu'il y avait rencontré Lénine. So hat ihn also dann Lenin nach 1917 beauftragt, die Gründung eines Instituts vorzubereiten. Après 1917, Lenin charge donc Riazanov de créer un institut et d'y rassembler tous les documents. Des Moskauer Marx-Engels-Instituts. Et c'est ce qu'il fait. Riazanov devient ainsi le premier directeur de l'Institut Marx-Engels de Moscou. Marx und Engels in russischer und in dont la première mission sera de traduire les œuvres de Marx et Engels en russe et en allemand. Ich glaube, vierten Weltkongress der kommunistischen Internationale. Une décision prise lors du 4e congrès de l'Internationale communiste en 1924. Das lief alles ganz gut bis 1931. Da wurde, tout se passe bien jusqu'en 1931. Da begann also diese stalinischen Repressionen. Lorsque la répression stalinienne prend une nouvelle dimension. Und Stalin ließ das Institut durchsuchen und der Riazanov war. Et Stalin va ordonner la perquisition de l'institut. Schon immer ein Widerpart gewesen. Riazanov avait toujours été ouvertement critique envers lui. Hat immer offen seine il avait toujours dit gesagt, ce qu'il pensait Stalin nicht untergeordnet. Et toujours refusé de se soumettre à Staline. Und da hat also Stalin das à la suite de la perquisition, Riazanov est emprisonné, comme bon nombre de ses collègues. Verhaften lassen und auch viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war sozusagen die erste Säuberung. C'est la première purge au sein de cet institut. À cette époque, déjà dans l'Union soviétique, c'était établi comme le gardien de l'orthodoxie. Alors l'idée était naturellement, il y a une seule interprétation du marxisme, le marxisme-léninisme. Staline se voyait lui-même comme l'interprète, Michael Kretke, comme le gardien ou le grand théoricien de ça. Et c'était une idée de, si vous voulez, acheter la légitimité. Alors nous sommes aussi les gardiens du grand trésor des papiers de Marx et de Engels, et nous sommes les gens qui sont les seuls dans le monde capables d'interpréter et aussi de publier naturellement tout ça que se trouve dans ce trésor, tous les manuscrits de Marx, toutes les œuvres de Marx. L'idée était naturellement aussi de fabriquer des œuvres, comme par exemple l'idéologie allemande ou la fameuse dialectique de la nature. Tout ça était des brouillons, ce n'était pas les livres qui ont été écrits dans cette forme-là par Marx et par Engels. Euh, Ich könnte Ihnen das jetzt hier zeigen, die Manuskripte. Je peux vous montrer les manuscrits. Das ist unser Kommentar. Ça, c'est notre édition commentée. Und Sie können hier sehen, das vous pouvez voir ici les différentes versions du texte. Die allein mehr als 500 Seiten umfassen. Cela représente environ 500 pages. Dann können Sie sehen, wir haben das hier nur an einem Beispiel. Là, regardez par exemple pour un seul manuscrit, un seul texte. Vous voyez, nur an einem Manuskript, das sind insgesamt 18. Il y a 18 versions. Gerald Hubmann. Erst mit der Arbeit an der ersten C'est grâce aux travaux de la Méga, la première édition des œuvres complètes, wurden diese Manuskripte, wenn man so will, entdeckt, que ces textes ont été redécouverts dans les années 1920 von Rajasanov. Et publiés par Rajasanov. Damals hat man darin à l'époque, on a cherché quelques passages cruciaux traitant du matérialisme historique. Und dadurch et on a réorganisé l'ensemble des manuscrits Manuskripte in einer Art und Weise zu arrangieren, de façon à les présenter comme les fondements du matérialisme historique. Des historischen Materialismus. Die Motivation der Herausgabe kam sozusagen aus Zwecken des Marxismus. C'était une édition uniquement réalisée dans un objectif marxiste. Das heißt, man hat einzelne Seiten in andere Manuskripte integriert, man hat die Sachen gemixt, man hat sie zusammengestellt. Cela veut dire qu'on a assemblé des pages tirées de différents manuscrits. Dass Marx, wenn er dieses Werk veröffentlicht hätte, es auch getan hätte. Et qu'on l'a organisé de façon dont on pensait que Marx aurait voulu lui-même l'organiser s'il l'avait publié. Das ist aber natürlich eine Fiktion. Mais c'était une pure fiction. Die deutsche Ideologie ist ein Konstrukt des 20. Jahrhunderts. L'idéologie allemande est une création du 20e siècle. Haben diese Manuskripte nicht nur bewusst nicht veröffentlicht. Marx et Engels avaient décidé en toute conscience de ne pas publier cet ensemble hétéroclite. Der nagenden Kritik der Mäuse überlassen. Bereits damals hat von der nagenden Marx avait même déclaré qu'il abandonnait le manuscrit à la critique rongeuse des souris. Rajasanov wurde dann 1938 erneut verhaftet. Rajasanov, qui avait été libéré, est à nouveau emprisonné. Praktisch von einem Standgericht, also il passe devant une cour martiale qui le condamne à mort. Zum Tode verurteilt und erschossen. Et il est abattu. Das muss man klar sagen. Il est important de rappeler que la première Méga, dass die erste Méga schon nach wenigen Bänden und wenigen Jahren a été interrompue au bout de quelques années seulement. Bearbeiter exekutiert wurden, parce que Rajasanov et ses collaborateurs ont été exécutés. Die philosophischen Frühschriften und vieles andere publiziert et plus précisément parce qu'ils avaient publié, entre autres choses, les textes philosophiques du jeune Marx. Des textes qui le réinscrivaient dans le contexte de son temps. An die Stelle dieses Megaprojektes wurden dann le parti a ensuite remplacé la première méga par un autre projet éditorial entièrement piloté par le comité central. Der Parteien herausgegeben wurden. Und diese une édition très sélective waren stark selektiv, qui occultait complètement ces textes philosophiques. Waren nicht mehr enthalten. Es wurde selektiert. Quant aux autres textes, und die Texte wurden ils étaient tous réarrangés et manipulés. Und manipuliert. Alors, c'était la continuation de ce processus d'établir la hégémonie idéologique dans tout le mouvement socialiste, mouvement des travailleurs du monde, par la Union soviétique et par le grand leader, le grand chef Staline lui-même. Also ich meine, man darf es immer nicht vergessen. Es ist sozusagen einerseits. Il ne faut cependant pas oublier que s'il y avait le stalinisme de l'Union soviétique, Nazi-Deutschland mit der il y avait aussi le national-socialisme de l'Allemagne nazie, qui se livrait à la même époque à des autodafés sur la place de l'Opéra à Berlin. Wo die Bücher Marx und Engels dem Feuer übergeben wurden. On y brûlait les livres de Marx et Engels, mais aussi ceux de Thomas Mann et de tous les grands humanistes. Sind vernichtet worden, ja. Also es war ja auch die Kommunisten. On emprisonnait les communistes et les sociodémocrates. Es war ja auch in Deutschland keine Basis mehr für irgend Marx und Engels. La pensée de Marx et Engels n'avait plus de socle non plus en Allemagne. 1933, place de l'Opéra, Berlin. Goebbels jette au feu les livres de Marx. Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Hauschke. Il paraît que les livres ont très mal brûlé le 10 mai parce que les livres, ça brûle pas facilement. Il fallait arroser d'essence. Manfred Flügel. Bien sûr, Marx était socialiste. Les nazis n'aimaient pas le marxisme, c'est évident. C'est un adversaire idéologique. Les nazis ont deux adversaires politiques et idéologiques principaux. Le premier, c'est la Révolution française et l'héritage de la Révolution française. Et le deuxième, c'est le marxisme et les révolutions issues du marxisme. Donc le marxisme est clairement qui dérive, selon eux, de la Révolution française, puisque, à leurs yeux, tant la Révolution française que le marxisme sont d'inspiration juive, c'est-à-dire universaliste, eh bien, ce sont les ennemis absolus. Du point de vue de l'idéologie, les nazis font une lecture symptomatologique du marxisme qu'ils interprètent comme étant une sécrétion de l'esprit juif qui est universaliste et égalitaire. Donc le marxisme doit être éradiqué au sens, là encore, chirurgical du terme, puisque c'est une maladie, c'est un abcès qui vient gangréner et qui vient infecter et tuer, in fine, hein, le corps du peuple allemand. D'où la fameuse scène de l'autodafé du 10 mai 1933, la destruction par le feu de tout ce qui est non-allemand, tout ce qui est undeutsch, et parmi ce qui est non-allemand, évidemment, en très bonne place, Marx et le marxisme et les marxistes. Ils ont détruit pas mal des livres publiés qui se trouvaient dans toutes les bibliothèques, en particulier dans les bibliothèques qui était organisé par le mouvement ouvrier, par les syndicats, par les partis politiques. Ils avaient toutes des petites bibliothèques ou des grandes bibliothèques. Tout ça a été détruit et c'était un symbole de la victoire sur les forces du mal, sur les diables du marxisme. Alors, la lutte contre le marxisme en Allemagne à partir de 1933 passe d'une part par la destruction de la culture marxiste, le corpus théorique, les livres donc sont détruits, interdits, les affiches, les tracts, évidemment l'expression marxiste est interdite très tôt, hein, d'ailleurs, à partir du 28 février 1933, à partir du décret qui fait suite à l'incendie du Reichstag. Et cette politique nazie anti-marxiste se solde également par le fait que les militants et les cadres sont pourchassés et emprisonnés. Il ne faut pas oublier que les premiers camps de concentration, celui de Dachau par exemple le 21 mars 1933, sont ouverts pour accueillir les ennemis politiques du régime, et d'abord et avant tout les marxistes. Donc leurs structures sont détruites, leur expression est interdite, leurs cadres et leurs militants sont pourchassés et emprisonnés, et bien entendu le Parti communiste allemand est interdit. Concrètement, les livres de Marx qui ont été détruits, c'était les livres en vente sur le marché. Götz Lankau. Die Bücher aus dem Besitz von Marx. Les livres qui appartenaient à Marx, eux, n'ont pas été détruits. Ils ont été récupérés par les nazis, par le Front allemand du travail, le soi-disant syndicat des nazis, pour alimenter leur propre bibliothèque. Avant la guerre, le parti nazi avait d'ailleurs déjà mis en œuvre des opérations pour se familiariser avec l'idéologie de l'ennemi. Die Ideologie des Feindes kennenzulernen. C'est pourquoi ils avaient une formation, un petit groupe de spécialistes, des académiciens, des intellectuels SS, dans l'uniforme noir de la SS, qui étaient à la chasse des documents et en particulier des papiers de Marx et Engels partout dans l'Europe occupée. So, bitte schön, die nächsten Dokumente. Alors, voilà les documents. Also, da hätten wir... Là, c'est un des tout premiers manuscrits du Capital. Da hätten wir eins der frühen Manuskripte zum Kapital. Nicht das früheste. Ce n'est pas le tout premier. Denn das ist, wie ich vorhin schon sagte, in Moskau. Parce que le tout premier est à Moscou. Dies ist ein späteres Manuskript und daran sehen Sie... Celui-là est un peu plus tardif. Wie fragil... Vous voyez comme c'est fragile. Das ist. Und warum wir damit ungeheuer vorsichtig umgehen. Il faut le manipuler avec le plus grand soin. Was wir haben, là, sind zwei Seiten Korrekturen. Ce sont deux pages de correction. Zum ersten Band des Kapital. Nous n'avons pas le manuscrit complet du volume 1 du Capital. Il a sûrement été transmis à l'imprimeur et très certainement détruit à l'impression. Mais d'autres pistes suggèrent qu'il aurait pu brûler dans l'incendie qui a ravagé la maison d'édition en 1943. D'une certaine façon, on peut dire que Marx, après le 10 mai 1933, a quitté le territoire allemand de la pensée. Mais parmi certains émigrés allemands, tels que Adorno et l'école de Francfort, la pensée de Marx a continué à compter. Mais brûler les livres, place de l'Opéra, marque pour moi le vrai départ des intellectuels allemands. Franchement, immédiatement, je vois avec un livre. Marx avec un livre, ou dans la rue, je dirais Marx dans la rue avec un livre. Et non pas comme ceux qui blasphèment aujourd'hui et qui vont dans la rue avec des livres pour les brûler. Marx. With a book or in the street. Avec un livre ou dans la rue. It's hard to think of him just in the street, I'm afraid. We have to think of him with a book. Difficile d'imaginer Marx uniquement dans la rue. Non, je vais devoir dire... avec un livre. Marx mit einem Buch oder auf der Straße? Marx avec un livre ou dans la rue? Eher mit einem Buch und zwar speziell in der entweder Manchester Bibliothek dans la bibliothèque de Manchester ou dans celle du British Museum. Das Buch gehört zu Marx auf jeden Fall. Marx en tout cas, c'est les livres. C'est un homme qui dévore les livres pour les recracher sur le fumier de l'histoire, comme il disait. Marx est un homme du livre, hein. C'est un homme de bibliothèque, c'est un homme de journaux, d'écrits. Avec un livre. Très peu de la rue. Très peu. Selbstverständlich habe ich Karl Marx Bücher in der Buchhandlung verkauft. Bien sûr que je vendais des livres de Marx dans ma librairie. Der Absatz nicht überwältigend war. Même si je dois avouer que les ventes n'étaient pas faramineuses. Aber ich habe es angeboten. Mais j'en avais quelques-uns en stock. Mein Name ist Richard Leukefeld. Je m'appelle Richard Leukefeld. Ich bin geboren am 16. Januar 1953. Je suis né le 16 janvier 1953. Wohne aber schon seit meinem 6. Lebensjahr in Trier. Et je vis à Trèves depuis l'âge de 6 ans. Man wusste zwar, dass er in Trier geboren ist, aber weiter hat man sich damit nicht beschäftigt. Tout le monde savait que Marx était né à Trèves, mais on ne s'en préoccupait pas plus que ça. Karl Marx war in Trier eine persona non grata. Also er wurde nicht wahrgenommen. Pour te dire, Karl Marx était plutôt persona non grata à Trèves. Il n'existait pas. Das war natürlich eine Folge auch des Ost-West-Konflikts, des Kalten Krieges. C'était bien sûr une conséquence du conflit Est-Ouest, de la guerre froide. Es gab zwar dieses Karl Marx. Il y avait bien ce musée Karl Marx à Trèves. Aber die Trierer haben sich mit Karl Marx. Les habitants ne s'y intéressaient pas du tout. Sondern er wurde eher unter der Decke gehalten. On avait plutôt tendance à faire comme si cette maison Karl Marx n'existait pas. Même si elle était régulièrement le lieu de visite officielle. Aber den Trierer war das gar nicht recht. Das war ein Relikt der Geschichte. Pour les gens de Trèves, Marx n'était qu'un vestige de l'histoire, auquel personne ne s'intéressait plus. Ich erinnere mich noch gut an das erste, das war Lohn, Preis und Profit, eine kleine Schrift aus dem, je me souviens encore très bien de ma première lecture de Marx. C'était Salaire, Prix et Profit, un petit texte sur l'économie. Ein Billigdruck, der aus der DDR kam. C'était une édition pas chère qui venait de RDA et qui coûtait environ 50 Pfennig. 50 Pfennig, das entsprach etwa anderthalb Francs. C'est-à-dire 1,50 francs de francs. Die Schriften von Karl Marx kamen eher aus dem Osten, weil die preiswert waren. Les textes de Marx venaient souvent de l'Est parce qu'ils y étaient très bon marché. Jeder versuchte Marx so für sich zu vereinnahmen, wie es ihm gefallen. C'était l'époque où chacun essayait de récupérer Marx pour son propre compte. Man hat sich gar nicht mehr mit Marx so im tieferen Sinne beschäftigt. On ne travaillait plus du tout l'œuvre de Marx en profondeur. C'était devenu une affaire purement partisane. Und Marx war da eigentlich nur noch Marx était totalement relégué à l'arrière-plan, masqué par les affrontements entre les idéologies de l'Est et celles de la social-démocratie à l'Ouest. Und aus diesem Anlass wurde die Ausgabe vorläufig à l'occasion des 150 ans de Marx. Anfang der 50er Jahre, au début des années 50, wurde in der Sowjetunion beschlossen, eine neue Ausgabe der Werke von Marx. L'Union soviétique décide de lancer une nouvelle édition des œuvres de Marx et Engels en russe. Und zugleich wurde Rolf Hecker also von der SED entschieden, dass auch eine deutsche de son côté, le SED, Ausgabe der Werke von Marx le Parti und Engels communiste est-allemand, s'engage lui aussi dans une édition des œuvres complètes de Marx et Engels, cette fois-ci en allemand. 150. Geburtstag von Marx. L'édition est-allemande est achevée en 1968. Und als dann die Westdeutsche 68er Bewegung. Lorsque les mouvements de 68 prennent de l'ampleur en Allemagne de l'Ouest, beaucoup de ceux qui s'intéressent à Marx débarquent en RDA. Et une fois passé la frontière, also jeder, der in die, musste 20 Mark umtauschen, ils se servent de leurs 20 marques de change obligatoire. Sie haben dieses Umtauschgeld genommen und haben pour acheter les petits livres bleus. Blauen Bände gekauft. Und zu Massen et les faire passer en masse en RFA. In die Bundesrepublik geschafft. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Mai 68, Berlin. Rudi Dutschke, leader étudiant, refuse de dire ce que sera la révolution. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können wir antworten. Und dann kam etwas unreflektiert. Et là, quelque chose de totalement spontané s'est produit. La jeunesse s'est rebellée. Damals glaubte ich Marxist zu sein. À l'époque, je croyais que j'étais marxiste. Und wenn man diesen Begriff so nehmen will, ja. Et dans un certain sens, je l'étais. Aber in der Reflexion von heute war ich kein Marxist. Mais rétrospectivement, en y réfléchissant, je dois bien reconnaître que je n'étais pas marxiste. Ich war fasziniert von politischen Umbrüchen. J'étais fasciné par les bouleversements. Politische Umbrüche, die links waren. Par les changements politiques qui venaient de la gauche. Im Grunde war ich einfach ein rebellierender junger Mensch. Mais au fond, je n'étais qu'un jeune rebelle. C'est une anecdote à laquelle je suis très attaché. C'est toute ma jeunesse. C'est le soir, dans la salle d'études de l'internat du lycée Gay-Lussac de Limoges, vers 6 heures. Nous sommes tous absorbés par Pierre Bergoglio. Nos travaux. Et puis la porte s'ouvre doucement sur la personne du surveillant général. Et quand il est certain d'avoir capté l'attention de la petite communauté de grands pensionnaires que nous sommes, il déplie son papier, lequel représente une pin-up en bikini qui prend des poses plastiques sous le soleil devant des cocotiers. Bon, il annonce de la voix un peu métallique, sèche, un peu menaçante, qui était la sienne, « Je ne veux plus voir ça !» Et j'ai esquissé un sourire sardonique dans ma blouse grise d'interne. Parce que ce qui lui avait complètement échappé, c'était d'autres affiches dont l'une représentait un homme aux longs cheveux, à la barbe de prophète, le tout grisonnant. Et on lisait « In Gespenst geht um Europa ». C'était la première phrase du manifeste du parti communiste. Ça avait été imprimé dans Feu de la République démocratique allemande. Et ce reste un des grands souvenirs de mon adolescence, que cette cécité des adultes qui n'ont pas vu arriver ce qui était en train de mûrir, là, ce qui bouillonnait sous le couvercle de la marmite, à savoir le printemps 68, pour lequel les baby-boomers que nous étions alors ont donné au pays une fête dont je crois qu'ils se souviennent encore. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. Je me souviens très bien de cette journée, qui a été un événement fondateur pour moi. Die erste Demonstration, an der ich teilgenommen hatte. C'était ma toute première manifestation. Und es war in der Tat so, dass auf der einen Seite die SPD, also voilà ce qui s'est passé. C'était les 150 ans de Marx à Trèves. Indem sie das Karl-Marx-Haus als Museum nochmal neu eröffnet hat. Und es gab auf der anderen Seite. Il y avait d'un côté le SPD, le Parti social-démocrate. Die Ausrichtung der damaligen qui inaugurait le nouveau musée de la maison Karl Marx, et un peu plus loin, il y avait la commémoration du Parti communiste allemand, plutôt tourné vers l'Est et soutenu par la RDA. Il y avait donc ces deux camps, et nous au milieu, qui ne pouvions nous identifier ni à l'un ni à l'autre. Alors on a décidé d'organiser notre propre manif en ce jour de l'anniversaire de Karl Marx. Je me souviens que notre cortège s'était lancé vers la maison Karl Marx pour essayer de perturber l'inauguration. Ce n'était pas du tout Marx qui nous avait amenés à la politique. On y était arrivé via un mouvement global de rébellion. Et notre représentation de la politique était en fin de compte assez romantique. Je m'appelle Jürgen Harris. Je suis historien. Je suis né à Trèves en 1955, un jour avant l'anniversaire de Karl Marx. Und vom Datum her sogar einen Tag vor Karl Marx. Mit Marx bin ich eigentlich erst mit 17 oder 18 Jahren in Berührung gekommen. Je n'ai découvert Marx qu'à 17 ou 18 ans. Wahrscheinlich im Zusammenhang lorsque j'ai commencé à me politiser. Ich mich auch politisiert. Mais ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte qu'il était lui aussi né à Trèves. Dans les années 70 en Allemagne de l'Ouest, le marxisme, enfin ce que nous appelions à l'époque le marxisme, c'était quelque chose qui attirait les jeunes. C'était une façon de se politiser, d'entrer dans le débat. Mais quant à savoir le sens que cela avait pour moi et pour les jeunes gens de ma génération, c'était une toute autre question. C'est vraiment compliqué. Parce que notre idée du marxisme à l'époque n'avait plus grand-chose à voir avec Marx. Il faut bien le dire. Je me suis rendu compte bien plus tard quand j'ai travaillé sur Marx. Muss man ganz klar sagen, ne? Sondern das sind ideologisierte Varianten. Que notre marxisme n'était qu'un dérivé idéologique de ce que Marx et Engels avaient écrit. Marx und auch Engels geschrieben haben. Wo einfach schon große Unterschiede. Et la différence était énorme. Mein Name ist Béatrix Bouvier. Je m'appelle Béatrix Bouvier. Den Namen Marx zuerst gehört. J'ai entendu le nom de Marx pour la première fois à l'école. Ich war in einer Schule, in einem, dans mon lycée, on nous donnait Marx à lire, surtout ses premiers textes. Hat und in dem man die Frühschriften von Marx gelesen hat, als etwas, das ein Teil cela faisait partie de l'éducation scolaire dans les années 60. On travaillait sur Marx, on s'y confrontait. Mit Marx sozusagen zu operieren, aber im Kalten Krieg. Mais c'était l'époque de la guerre froide en Allemagne de l'Ouest. Zu lernen, et Marx s'était rendu responsable de tous les maux. Dass es in dieser Zeit in der alten Bundesrepublik einen guten Marx gab und es gab einen schlechten Marx. Ce qu'on nous apprenait en fait, c'était à faire la distinction entre deux Marx. Il y avait le bon et le mauvais. Der gute Marx, das war der junge Marx, der philosophische Marx. Le bon, c'était le jeune Marx, le Marx philosophe. Et l'autre, c'était le Marx économiste, celui qui appartenait à l'Est et qui voulait abolir le capitalisme. Celui qui avait créé le système qui représentait tout ce qu'il y avait de pire à l'époque. Wenn ich an meine frühe Beschäftigung mit Marx zurückdenke, an die ersten Dinge, die ich gelesen habe, je crois que l'une des premières choses que j'ai lues de Marx, c'était ses textes philosophiques, des textes écrits dans les années 1840, mais qui n'ont été publiés que bien plus tard. En France, plus qu'en Allemagne, la pensée de Marx a été Jacques Attali, soi-disant rénovée et ensuite caricaturée parce qu'on a créé des distinctions en voulant oublier une partie de Marx pour sauver l'autre. C'est ce qui se passe avec Althusser. J'ai lu le Pour Marx d'Althusser, qui a été pour moi une grande révélation intellectuelle. J'ai d'ailleurs correspondu longuement avec Althusser. Mais Marx était mis en pièces, était déchiqueté pour sauver un petit bout et en faire l'otage d'une pensée autre. C'est ce qui se passe avec Althusser qui dessèche Marx complètement. J'ai fait partie de la première cohorte d'agrégatifs qu'il a préparée. Il était en train de commencer à potasser les œuvres du jeune Marx. Je revois sur son bureau, toujours, un volume de l'idéologie allemande bourré de signets. Le livre ne pouvait plus se fermer tellement il y avait de signets. Il était en train de lire l'idéologie allemande. Alors le rôle d'Althusser est compliqué dans cette affaire. Lucien Sève. Pour une part, je pense qu'on peut dire, on doit dire, il est de ceux qui ont contribué à faire de nouveau percevoir Marx comme quelqu'un qui est philosophiquement essentiel. Autrement dit, qu'il avait inauguré un nouveau sens du mot philosophie. Ça, c'est tout à fait important. Dans ces ouvrages qui ont joué un rôle énorme, intellectuellement et historiquement, les ouvrages de 1965, pour Marx et lire le Capital, voilà. Ces ouvrages sont un moment de l'histoire de la pensée philosophique française, un moment majeur. Marx est réputé philosophe et connu comme tel pour avoir été l'auteur d'un certain nombre d'œuvres de jeunesse qui sont d'ailleurs groupées dans une édition française sous le titre « Œuvres philosophiques ». Louis Althusser. Et qu'on distingue 1965. Le plus souvent de ses œuvres ultérieures qui sont surtout des œuvres économiques et politiques. Toutefois, nous ne devons pas nous en tenir à l'apparence des titres, nous devons aller voir ce qu'il en est dans l'œuvre elle-même. Et si nous étudions l'œuvre de Marx, nous devons constater effectivement que dans sa jeunesse, en gros jusqu'en 1845, Marx est effectivement un philosophe. Toutefois, de l'aveu de Marx lui-même, c'est vers 1845 qu'en accord avec Engels, il entreprend de liquider sa conscience philosophique d'autrefois. L'expression est en propre terme dans les textes de Marx. Cette liquidation, nous la trouvons dans un écrit qui s'intitule « L'idéologie allemande ». Par conséquent, cette coupure est extrêmement importante pour notre propos, c'est-à-dire qu'elle nous invite à distinguer dans Marx une première période philosophique au sens classique du terme et une seconde période qui n'est plus philosophique dans ce même sens et à propos de laquelle peut se poser la question, est-ce que Marx a été encore philosophe après cette rupture avec la philosophie traditionnelle ? Althusser a, disons, quelque peu hésité. Il a fourni plusieurs réponses successives qui n'étaient pas du tout de même nature. Finalement, progressivement, Althusser en est venu à considérer que l'apport philosophique de Marx n'était pas un apport marquant. Je pense qu'Althusser n'a pas été au bout de la compréhension du matérialisme historique et qu'il a abandonné, en fin de compte, une piste qu'il avait eu le grand mérite historique d'ouvrir. Et en ce sens, il a joué un rôle, je crois, à mains égards négatif pour l'appropriation de la pensée marxienne en France. La question de savoir si Marx fait de la philosophie, c'est sans doute l'une des questions les plus débattues au XXe siècle. Alix Bouffard. Alors, il y a plein de thèses différentes sur cette question-là. Si l'on considère que Marx sort de la philosophie ou arrête de faire de la philosophie et commence à faire de la science, eh bien, ça permet de valoriser les textes en question, les textes qu'on va juger scientifiques, rigoureux, par opposition à des textes de type philosophique, spéculatif ou idéologique, qui seraient en l'occurrence ces textes de jeunesse. Donc lorsqu'on se prononce sur cette question-là, on ne se contente pas de distinguer des périodes d'écriture ou de théorisation chez Marx, mais en général, on hiérarchise aussi en valorisant certains textes par rapport à d'autres textes. Il faut savoir que en 2015, Marx, pour la première fois, est apparu au programme de l'agrégation de philosophie. C'est une manière de faire rentrer Marx au panthéon des auteurs philosophiques. C'était la toute première fois qu'il était à l'agrégation de philosophie. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, l'année de philosophie, puis 2 ans de Cagne, puis 4 ans de Rudulm, ça fait 7 ans. Pendant ces 7 ans, je ne dirais pas que je n'ai pas entendu prononcer le nom de Marx, naturellement, mais vraiment, jamais je n'ai eu ne fût-ce qu'une heure ou une demi-heure de cours sur Marx. Jamais. Donc j'ai passé l'agrégation de philo sans avoir en réalité jamais eu le moindre cours sur Marx. C'est quand même un scandale qui a duré très longtemps, très longtemps. Puisque c'est seulement il y a peu d'années que pour la première fois, Marx a été un auteur que les agrégatifs de philo devaient travailler pendant l'année. Événement majeur, quoi. Alors que jusque-là, il avait été totalement écarté. Et en revanche, Nietzsche, par exemple. On vient d'avoir 68, il y a encore une grande effervescence chez les étudiants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire entrer au programme de l'agrégation de philo qui soit un peu au diapason de cette effervescence? Mais pas Marx. Ben, on peut faire entrer Nietzsche. Et cette année-là, donc, c'est pas Marx qui entre au programme, c'est Nietzsche. Alors que Marx, il a fallu attendre encore 35 ans, hein, quelque chose comme ça. 35 ans pour qu'on consente enfin une fois, parce que ça n'est encore arrivé qu'une fois, à le mettre au programme des auteurs d'écrits de l'agrégation de philo. Marx avec un livre ou dans la rue. Les deux. Les deux. Peut-être pas à chaque instant en même temps, hein, et sous le même rapport, mais les deux. Marx mit einem Buch oder auf der Straße. Marx avec un livre ou dans la rue. Ganz klare Antwort mit einem Buch. Très clairement avec un livre. Er kämpft nicht auf der Straße, er kämpft. Marx n'est pas quelqu'un qui combat dans la rue. C'est quelqu'un qui combat avec les mots. Marx avec un livre ou dans la rue. Marx dans la rue. Quelle rue? Quel pays? Quelle ville? Marx dans les rues. Il va se promener. C'est une bonne idée. Belle image. En fait, il a beau avoir écrit énormément de livres, ce qui était quand même important pour lui, in fine, c'est ce qui devait se passer dans la rue. Si d'ailleurs il ne s'était passé rien dans les rues de Vienne, Berlin, Paris ou de Londres, eh bien, il n'aurait de toute façon pas écrit de livres. Novembre 1989, Berlin, le mur tombe. Je m'appelle Manfred Flügge. Je vis à Berlin-Charlottenburg. J'ai entendu le nom de Karl Marx la première fois en 1954, quand j'avais 8 ans. Avec mes parents, on a fait un voyage à Berlin-Est où habitait mon grand-père du côté maternel. C'est là qu'on a fait des tours en ville. À l'époque, la RDA organisait des visites guidées en bus à travers Berlin-Est, la Stalinallee et tout ça. Et je me souviens qu'on a eu droit à une certaine dose de propagande. Après la fameuse Wende et la réunification, on a enlevé la fameuse statue Lénine, mais on n'a pas enlevé la statue Marx-Engels. Il y avait des plaisantins qui avaient écrit dessus après la chute de l'Empire Honecker. Nous sommes innocents. Donc, c'est pas notre faute si la RDA et le communisme à l'Est a tourné mal. Je trouvais ça assez bien trouvé. Mais en même temps, si on regarde le monument, déjà à l'époque, on se moquait qu'ils ont l'air de vieux retraités, hyper fatigués. C'était pas des révolutionnaires dynamiques ou des gens d'avenir. Il ressemblait plus aux membres du Politburo de Honecker, aussi vieux, fatigués et usés comme ceux-là. Wenn ich den Sprung machen darf, Ingo Schulze. Eben interessant, wie nach 1989, après 1989, on a complètement fait table rase de tout l'univers marxiste-léniniste. Welt sich vollkommen ad acta. C'est-à-dire qu'au moment même où le néolibéralisme vivait une expansion sans précédent, on renonçait aux outils les plus importants pour l'analyser de façon critique. J'ai trouvé cela sidérant. Mais ce n'est que plus tard que je m'en suis vraiment rendu compte. Parce que j'avais moi-même succombé à cette vague générale d'oubli. À cet endormissement collectif. À la fin des années 80, à Berlin-Est, on a par exemple construit un monument à la gloire de Marx et Engels, le Forum Marx-Engels, qui sera plus tard déplacé. Je veux dire que dans les derniers instants de la RDA, on a essayé, à travers ce monument, de recréer, de renouer un lien avec Marx et Engels. Et ce n'était pas si facile. Ce qui est intéressant dans ce monument, c'est que le socle sur lequel se tiennent Marx et Engels est très fin. Ils sont pratiquement au ras du sol. Ce sont des statues de bronze, mais ils sont à la taille humaine, comme vous et moi. Il n'y a pas eu héroïsation. C'est important de le souligner. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. C'est intéressant de voir ce qu'on a fait de tous ces monuments à la gloire de Marx et Engels après la chute de la RDA. On a cherché à s'en débarrasser par tous les moyens. On les a enfouis dans le sable, par exemple. Les autres ont un gewerbegebiet et stellen diese ganzen Denkmäler von Marx und Engels einfach in ein Gewerbegebiet. Ou bien on les a remisés au fin fond de zones industrielles. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la statuification de Marx et d'Engels, très lourde, très pompeuse, était un peu la matérialisation du fait que le socialisme, là, était enfin réalisé, réellement existant, aussi dur et aussi compact que ces statuts-là, et que désormais, il n'y avait plus à progresser sur le chemin du marxisme. Donc, il y a eu une répudiation de Marx, comme en témoigne le sort des statues des grands hommes, des saints et des prophètes de cette nouvelle religion. Et donc, il y a eu un reflux, et ce qu'on appelait le marxisme a été réduit vraiment aux acquis, extrêmement réduit dans la réflexion et dans les références. Il n'y a pas eu de mouvement d'effacement de Marx, comme on aurait fait dans la vieille Égypte, on a effacé le souvenir des pharaons du passé. Oui, les traces de Karl Marx dans Berlin, il y en a très peu et qui datent essentiellement de l'époque de la RDA. Des plaques par-ci par-là, comme à Stralau, autrefois aussi dans la Luisenstrasse, mais ça disparaît plus, paraît-il. Il y a évidemment le monument Marx-Engels sur le Marx-Engels-Forum, mais il reste aussi une citation de Marx dans l'entrée de la Humboldt-Universität. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde différemment, mais il importe de changer le monde. Je ne sais pas si c'est encore une valeur pour les étudiants ou si c'est juste une sorte de reste historique. Das ist nur jemand, der im Park mal vor längerer Zeit gewohnt hat. Also der ist jetzt nicht gegenwärtig. Ja. Das ist mein Empfinden. Pour moi, Marx, c'est juste quelqu'un qui a vécu ici il y a très longtemps. Il n'est plus du tout d'actualité. C'est ce que je pense en tout cas. Karl Marx. Il a vécu un peu ici, à Stralau, quelques mois ou quelques semaines peut-être. Vous savez qui c'est Karl Marx? C'est le plus grand communiste de tous les temps. Si c'est une bonne chose ou pas, je ne vais pas philosopher là-dessus. Moi j'ai grandi en Allemagne de l'Est, en Thuringe, mais je vis à Berlin depuis plus de 40 ans. J'habite dans ce quartier depuis 6 ans, et je crois bien que cette statue date du temps de la RDA. Il y a pas mal de statues de Marx qui ont été déplacées après. Celles qui étaient très visibles, comme le Marx-Engels Forum, qui se trouvait devant le Palais de la République. Mais les petits monuments comme ça, eux, ils sont restés. Ce sont les témoins de l'histoire. Tout le système communiste a été basé sur Karl Marx. La Russie, la Chine, ils le célèbrent encore. Les Chinois sont complètement dingues. Vous savez que Karl Marx est né à Trèves, c'est une ville pas loin de la frontière française. Marx y est né, bon. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, les Chinois ont donné une immense statue de Marx à la ville de Trèves. Absolument immense. Parce que les Chinois célèbrent toujours Karl Marx. Et quand ils viennent en Europe, ils ne peuvent pas se passer de lui. Trêve 2020. Natürlich war die Wende von 1989 schon entscheidend. La chute du mur en 1989 für das Marx-Bild in Trier a évidemment marqué un tournant décisif dans l'image de Marx à Trèves. Während vorher man Marx eher ignoriert hat. Avant 1989, il était globalement ignoré. Richard Leukefeld. Et du jour au lendemain, il a été démystifié. Marx wurde dann für pour les habitants de Trèves, qui étaient loin d'être des marxistes, wurde Marx, auf einmal ein Wirtschaftsfaktor. Marx est soudainement devenu un moteur économique et touristique. Hat gemerkt, dass man jetzt mit Marx à Trèves, on a réalisé qu'on pouvait créer des emplois autour de Marx, qu'on pouvait en vivre, sans être pour autant tributaire de l'idéologie de l'Est. Er war also befreit von diesen Fesseln, sozusagen. Marx a donc été libéré de ses chaînes, si l'on peut dire, und Marx ist ein Tourismus pour devenir un véritable enjeu touristique. Alors, la petite maison rose du XVIIIe siècle, c'est là que Karl Marx a vécu. Aujourd'hui, au rez-de-chaussée, il y a un Euroshop, un magasin de choses très très bon marché. Frank Hirschmann. Là, nous sommes dans un magasin de souvenirs. Ils vendent de tout et ils vendent de beaucoup, beaucoup de Karl Marx, le vin Karl Marx, des bustes de Karl Marx, paillassons Karl Marx. Tirelire Karl Marx dans de différentes couleurs, en rouge, en blanc, en noir, en bronze. Portrait de Jenny Marx, sa femme. Mère du chocolat Karl Marx. Des sacs Karl Marx. Pratiquement tout. Alors, l'année dernière, c'était plein de Karl Marx ici. Ça, ce sont des magnets Marx, avec différentes citations. Vous avez par exemple, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Ou celui-là, être radical, c'est prendre les choses par la racine. Là, ce sont des tirelires. On a aussi du vin Marx, bien sûr. Et il y a aussi un artiste du coin qui fait ce genre de choses. Vous voyez, des petits bonshommes pour les feux rouges. Es gibt eine Zeit, wo hochrangige Gäste nach Trier kamen. À une époque, il y avait pas mal de visiteurs très haut placés à Trèves. Kamen aus dem Osten. Ils venaient tous de l'Est ou de Chine. On avait droit, par exemple, à la visite du chef du Parti communiste chinois ou de ses conseillers d'État. Il y a eu aussi Honecker et les cadres du Parti communiste est-allemand. Ils étaient accueillis un peu à contre-cœur. On ne voulait rien avoir à faire avec eux. Also im Stadtbild von Trier, hormis ses visiteurs, sei es bei den Souvenirs, sei es bei den Marx était totalement absent de Trèves. Il ne figurait nulle part dans la ville, Marx nicht präsent. Ni comme image, ni comme souvenir touristique, ni comme nom de rue. Bis es einen Bürgermeister gab in den 80er Jahren, Felix Zimmermann hieß jusqu'à ce que dans les années 80, l'un des maires de Trèves, Felix Zimmermann, découvre le potentiel médiatique de Marx et commence à l'intégrer progressivement dans l'image de la ville. Et c'est à partir de 89 que ça s'est complètement débloqué. Et ça a culminé en 2018 avec le bicentenaire de la naissance de Marx. Comment fêter l'occasion? C'est comme ça que la Chine nous a offert son immense statue de Marx. Bien sûr, ça a donné lieu à quelques controverses. Mais la Chine avait la partie facile, car la ville de Trèves n'avait jamais construit d'image officielle. Elle a en quelque sorte profité de ce vide pour imposer cet énorme statut. La ville pouvait difficilement refuser ce cadeau, même si la taille et la qualité artistique de la statue étaient plus que discutables. Cela n'a pas été une chose facile d'expliquer ce choix aux administrés. La statue faisait vraiment penser au réalisme socialiste. S'il avait eu le choix, on aurait sûrement choisi un autre monument, quelque chose d'un peu plus artistique, et non pas cette statue qui est le symbole même du culte de la personnalité. Aber so haben wir nun mal das, was da ist, eine richtig große, mächtige Karl-Marx-Statue, so wie man sie wahrscheinlich auch in Peking findet. On se retrouve maintenant avec cette imposante statue de Karl Marx, comme il en existe sûrement à Pékin. De loin, on dirait Karl Marx. Von weitem, der schaut aus wie der Karl Marx. On dirait vraiment Karl Marx. J'étais à Chemnitz, et là-bas, il est vraiment immense, énorme. Celui-ci est impressionnant. Je dirais très impressionnant. Il me plaît bien. C'était un grand communiste. Ça attire beaucoup de touristes, non seulement chinois. On était... C'est toujours plein, vous voyez même des roses, etc. etc. Il y a des gens qui viennent parfois de très loin pour la voir. Ils apportent une banderole avec un slogan révolutionnaire écrit dessus. Et ils se prennent en photo devant la statue de Marx avec leur banderole. Une fois, j'ai même eu un groupe belge, de touristes belges, évidemment des communistes, quoi, qui ont chanté l'Internationale ici. Mais ceux qui ont déboursé l'argent pour une statue de Marx, ce sont les Chinois. C'est le gouvernement chinois qui a offert cette statue à la ville de Trèves. Il y a eu pas mal de discussions, bien sûr. Fallait-il accepter ce cadeau? Mais il n'y a pas eu tant de résistance que ça, finalement. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire de toute façon? Oui, à la fin, tout le monde était d'accord, à condition que ce ne soit pas trop grand et que ce soit ici. Ici, c'est-à-dire près de, de la maison où il a vécu et de l'information touristique. Pas trop central. Alors, nous voilà au pied de Karl Marx, son socle, une statue de plus de 5 mètres de hauteur, en bronze, qui tourne le dos à la maison où il a vécu pour sortir au monde entier le... Pas décidé, les yeux ouverts. Le soir en été, il y a des étudiants qui viennent s'asseoir ici pour boire un verre de vin ou une bière. Pour les jeunes, la statue est devenue un endroit où on peut s'asseoir, où on peut se retrouver, confortablement installé au pied de Marx. Et je trouve ça très bien. Marx jung oder alt? Marx jeune ou vieux? Eindeutig jung, wenn ich von dem Marx in Trier spreche. Jeune sans aucun doute, surtout à Trèves. Und den sehe ich gerade vor Augen. C'est Marx jeune que je vois. Marx jeune ou vieux? Marx jeune. Marx jeune, c'est une pensée qui présente encore une grande jeunesse au sens d'un grand potentiel et qui parle aussi à la jeunesse. Es gibt diese Zeichnung dieses gut aussehenden jungen Mannes, der nur so ein bisschen Bart hat. Il y a ce dessin de Marx lorsqu'il est beau jeune homme avec un soupçon de barbe. Und der ist doch einiges ansehnlicher. Il est quand même plus agréable à regarder que le Marx rondouillard avec son immense barbe. La grande barbe qui était aussi celle de Hugo. Enfin voilà, la grande barbe de la fin du 19e. Il apparaît quand même un personnage historique. C'est pas si facile derrière ce personnage historique. de ressaisir le type formidable qu'il était. Type formidable. C'est pas facile. Pour moi-même, c'est pas facile. Hein. Parce que pour moi, en même temps, c'est vraiment un copain, quoi. Also die Frage lautet, Marx jung oder alt? Marx plutôt jeune. Il reste à découvrir et à recommencer. Toujours jeune. Karl Marx, l'inconnu. Avec les historiennes Béatrice Bouvier et Michel Perrault. Les historiens Johan Chapoutot, Jean-Numa Ducange, Jürgen Herres, Frank Hirschmann, Eberhard Illner, Christian Janssen et Gareth Steadman-Jones. Les économistes Jacques Attali, Rolf Ecker, Michel Husson et Michael Kretke. Les écrivains Pierre Bergogneau, Manfred Flügge et Ingo Schulze. Le libraire Richard Leukefeld. Les archivistes Jacques Paparo et Monique van der Pal. Les chercheurs Gerald Hoopmann, Götz Lankau et Michael Sanders. Les philosophes Alix Bouffard, Pauline Clochec, Isabelle Garraud et Lucien Sève. Voix, Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andrea Schiffer. Attaché d'émission, Sarah Godard. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras et Romain Couturier. Ina, Clarie Monac. Merci à Anne Longuet-Marx et au Goethe-Institut de Paris. Prise de son, Olivia Branger, Alain Joubert. Mixage, Claude Niort. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Franck Lilin. À demain, pour la deuxième partie de cette grande traversée, Karl Marx, une jeunesse allemande. Eine Anekdote noch. Une dernière anecdote peut-être. In den 80er Jahren, dans les années 80, auf Marx quand Marx n'apparaissait encore nulle part dans la ville, habe ich mit meiner Buchhandlung eine kleine Marx-Büste. J'avais mis en vente un petit buste dans ma librairie. Keiner wollte sie haben. Keiner. Es gab eine Marx-Büste nur in der. Personne n'en voulait à l'époque. Personne. J'étais le seul à avoir un buste de Marx dans ma librairie. Mittlerweile finden Sie auf Trierer Ampeln, Fußgängerampeln, ein Marx-Bild. Aujourd'hui, Marx est partout. Ein roter Marx, der steht, ein grüner Marx, der geht. Jusque sur les feux tricolores. Un Marx rouge pour s'arrêter, un Marx vert pour avancer.